est avec nous pour nous donner des nouvelles de Gérard de Suresnes de Nanterre, qui paraît-il maintenant a véritablement, définitivement quitté le territoire français. On s'en veut parce qu'on aurait bien aimé avoir de ces nouvelles. C'est moche. Cul de macaque est avec nous pour nous donner des nouvelles de Gérard. Bonsoir Cul de macaque. Bonsoir mes potes, bonsoir tout le monde. Ça va bien, hein? Vous allez bien, bien. C'est vrai que la semaine dernière, on n'a pas eu de nouvelles de toi. Bah, comment ça se fait? Bah, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'en sais rien, c'est toi. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. Bah, ça veut dire que Gérard ne t'a pas envoyé de lettre. Bah, écoute, voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, ce coup-ci, il m'a pas envoyé de lettre, il m'a envoyé un petit mail. Oh, bah, dis donc, il s'est mis sur Internet. Voilà, Internet. Donc, bah, on attaque, on enquille, hein. Donc, comme d'habitude, mon pote, je t'envoie un petit mail pour te donner des nouvelles. Pour nous, ça roule. On a quitté le Japon avec Christine, direction la Russie. Là, il a encore bougé. Il va rentrer dans la mafia, là. Ah bah écoute, je sais pas, il y a peut-être une histoire là-dessous. Tu vas voir, apparemment, il mouille dans des trucs un petit peu louches. Hein. Bon, ici, ça caigne un peu, alors je me réchauffe avec l'alcool local. Moi, je le bois, ils le mettent dans le réservoir de leur voiture, hein, bien sûr. En fait, on est venu en Russie parce qu'on m'avait proposé un petit job de webmaster sur un site de cul. Tu vois, ils se lancent dans l'internet à fond. Ouais. On fait des films avec Christine et on les balance sur le net. D'accord. Alors il précise, hein, avant j'aimais pas trop qu'on fasse des trucs sur moi, mais là vu que c'est moi qui encaisse la thune, ça me dérange pas trop, quoi. Non. Voilà, je me suis donc mis un petit peu à l'internet, j'ai encore un petit peu de mal, j'avais déjà du mal à lire et à écrire, alors l'internet imagine la galère. Et ensuite, grosse nouvelle, donc il dit, enfin bon, dès que je maîtriserai un peu plus le net, j'ai un gros projet en vue, je vais adapter le concept de Love Story à ma sauce. On habitera avec Christine une bande de cas sociaux sous un pont. Ah, ça va se passer dans un pont, pas dans un loft. Non, sous un pont. Sous Full un story. Pont. Et on sera filmé 24/24 et ça sera retransmis donc sur Internet. Et puis bah, il dit pour le moment, j'ai eu deux idées pour le nom. J'hésite entre Large Story et Crop Story. Ouais. Donc affaire à suivre. Et il s'adresse à toi. Ah bon? Et il dit, bon, demande à Max s'il sera intéressé pour être le producteur de cette émission. Moi, ça m'intéresse. Vraiment, par contre, on va me citer les noms des personnes. Pour encore, bon, il y aurait Sandy, il y aurait Christine. Il y aurait, voilà, Christine, il y aurait Henri. Il y aurait Henri, bah forcément. Il y aurait quoi? On pourrait mettre Alain. Il y aurait Henri avec les clébards. Alain, Bruno. Martine. Ouais. Alain Lebeg. Didier Maxime. Didier Maxime. Et Manu de Saint-Etienne. Voilà, oh, alors là, attention, là, ça peut donner grave. Hein. Là, et Jean-Pierre Sauzère. Et Jean-Pierre Sauzère. Oh là, t'imagines un peu le loft de ouf. Ah, ça pourrait être le système, en fait. Ça pourrait être très. Oh, alors là, ça peut donner grave. Hein. Ça peut le faire. Oh là là. Il faudrait une armée de 256 pour bien les surveiller, quand même. C'est que ça pourrait partir en ciseaux à n'importe quel moment. Une chose est sûre, déjà, il n'y a pas besoin d'aller. Pour les trois quarts d'entre eux, déjà, il n'y a même pas besoin de mettre de cam dans les salles de bain parce qu'ils n'y seront jamais. Hein. Mais Gérard de Suresnes, Stéphane l'alcoolique dans la même pièce, déjà ça chie. Par contre, il faudra mettre 2-3 cams du côté du frigidaire parce qu'à mon avis, la bibine elle va descendre. Hein. Ah, il faut un gros frigo. Ouais. T'imagines un peu le loft rien qu'avec Gérard et Christine ouf, et tout ça. Et l'autre, alors quand ils font les courses, bon ben on va prendre. On met 250 balles, bon. Non, la bière. Déjà, il y a 800 litres de bière. De la villageoise. Ah, ça peut être sympa ça. Ah, ça peut être rigolo. Je tenais à dire pour les fans de Gérard, hein, si Cul de macaque nous donne des nouvelles, c'est parce que réellement on n'a plus du tout de nouvelles de Gérard, qui a réellement disparu de la circulation. Donc on sous-entend qu'il est aux États-Unis, en Angleterre, au Québec. On a entendu qu'il était vers Mexico. Là, donc d'après Cul de macaque, il sera en direction de. Mais est-ce que maintenant c'est le vrai Gérard? Est-ce que c'est pas encore Cul de macaque qui est en train de se faire avoir par l'entourage proche de Gérard? Je crois pas. Hein. Ça. Voilà. Alors bon, je termine. D'habitude, tu sais qu'il donne son adresse hein, à chaque fois. Oui. Joindre. Oui. Donc là, c'est une adresse email, hein, puisqu'il est à fond dans l'internet. Donc son adresse est boiteacaca@wanabous.fr. Ouais. Donc tout le monde peut l'écrire et puis ben, ensuite il vous passe le bonjour. Il passe le bonjour à toute l'équipe, aux habituels et à mon pote Henri. Ah, bah ça fait plaisir. En tout cas, on l'embrasse, Gérard, s'il nous écoute. On aimerait bien avoir de ses nouvelles. On ne sait pas où tu te trouves. Nous, on nous dit que tu es à l'étranger. Maintenant, il paraît que tu n'es plus du tout sur Nanterre. On a entendu dire qu'il serait parti du côté du Mont-Saint-Michel. Chez ses beaux-parents. Il a bouffé de la galette. Chez son beau-père, voilà. Ouais. Donc, si on a des nouvelles de lui, qui nous tient au courant, à moins que ce soit déjà dans le sac complètement. Ouais. Merci, Cul de macaque. Bonne bourre à toi, merci d'avoir appelé.